bonsoir à toutes et à tous, c'est Thierry Gallet, j'espère que vous allez bien. C'est la saga des Fab Four numéro 554, alias 554. Nous sommes le 15 mars 2023 et l'album de la semaine, c'est la pierre angulaire de la pop musique. Le meilleur album du monde en 1967, les Rolling Stones. Petit joueur par rapport à ce qui s'est passé en 1967 avec Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band qu'on va décortiquer pendant 3 heures. Vous ne rêvez pas, j'ai obtenu une prolongation puisqu'Eric ne sera pas là ce soir. On fait donc du 20h-23h. Oui, je sais, ça crie dans le chaumière. Waouh, ouais, génial, super, 3 heures de la saga. On est content, mais c'est bien, c'est très bien. On va les écouter deux par deux, parce que je trouve que ça le vaut quand même. Donc on va écouter au départ Sgt Pepper, Lonely Hearts Club Band, suivi de With a Little Help from My Friends. Il y aura ensuite Lucy in the Sky with Diamonds et Getting Better. Il y aura Fixing a Hole et She's Leaving Home, Being for the Benefit of Mr. K. Tout l'album, quoi, en fait. Hein, tout l'album. Avec en plus le petit bonus, puisque ça a été fait pendant les sessions pour donner à manger au public, puisque le public attendait, se disait mais qu'est-ce qu'ils font, on n'entend plus parler d'eux. On leur a donné du Strawberry Fields Forever et également du Penny Lane. On écoutera ça au cours de cette soirée. Voilà, on ne sera pas en manque pour du McCartney, il y en aura plein, pour du Lennon il y en aura quelques-uns, Harrison il y en aura, et du Ringo Starr aussi. Pour McCartney, ce sera Ramon sur l'album Ram en 1971. Pour Lennon, il dira adieu aux Beatles, God en 1970. Il faut la passer de temps en temps pour se rappeler que le rêve est terminé. Et puis Harrison, Waiting on Your Own. Et Ringo Starr nous chantera Sentimental Journey. Voilà, c'est la fin du générique. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée. Et dans une demi-seconde, sur les Beatles et Sgt Pepper, Lonely Hearts Club Band. Bonne soirée. Are you sad because Je vous donne le contexte de cette année-là. Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band est enregistré alors que les Beatles s'extraient de la pression liée à la Beatlemania. Le 29 août 66, vous vous souvenez peut-être, si vous étiez né, que les quatre musiciens donnent leur dernier concert au Candlestick Park de San Francisco. Puis ils arrêtent. Après cette ultime tournée aux USA, où le décalage ne cesse de se creuser entre ce qu'ils veulent proposer à leur public et ce que celui-ci parvient à entendre au milieu des hurlements dans des conditions de sonorisation encore balbutiantes, entre ce qu'ils produisent désormais en studio et ce qu'ils arrivent à délivrer sur scène, les quatre Beatles, même Paul McCartney, qui est pourtant encore celui qui tient le plus à continuer les tournées, décident que c'en est assez. Le groupe profite alors d'un long congé pour se ressourcer. Harrison se rend en Inde pour des cours de sitar auprès de Ravi Shankar. Lennon joue dans un film, How I Won the War, en Espagne. Ringo Starr rend visite à John Lennon, puis reste dans sa famille à Londres. Quant à McCartney, lui, il travaille sur la bande originale du film Family Way. Le nom de l'album est lié à la tendance américaine de donner des noms à rallonge aux groupes comme Quicksilver Messenger Service ou Big Brother and the Holding Company. Sur une idée de McCartney, les Beatles décident de créer un groupe fictif avec un nom à rallonge qui partira en tournée à leur place. Pour la première fois, les Beatles disposent de tout le temps nécessaire pour préparer leur album. Take one. Okay.

On avait dit non, non, tu feras pas réalisateur et animateur, tu ne fais que animateur. Or, le réalisateur qu'on m'avait imposé ne connaissait absolument rien aux Beatles. Et je m'étais dit, je vais lui jouer un tour de cochon en lui passant ce morceau-là. It's Johnny's birthday. C'était à l'époque des vinyles. Et je vous assure que j'ai failli faire pipi au froc tellement j'étais mort de rire. Alors que j'essayais d'attirer son attention en disant que tout allait bien. Je le voyais regarder le 45 tours, enfin le 33 tours. Regarder ses boutons, regarder pourquoi ça a augmenté comme ça le pitch. Le pitch, c'est la vitesse de rotation. Et il ne comprenait absolument rien. Il était fou d'inquiétude. Et moi, j'étais mort de rire. Voilà, c'était une petite anecdote qu'il y a 31 ans. J'étais vache à l'époque. Gonna take a sentimental journey. Gonna set my heart at ease. Gonna make a sentimental journey to renew old memories. I got my bag, got my reservation, spent each dime I could afford. Like a child in wild anticipation, long to hear that all aboard. Got to take this sentimental journey, sentimental journey home. Time we leave at seven, I'll be waiting up for heaven, counting every mile of railroad track that takes me back. I never thought my heart would be so yearning. Why did I decide to today, we sentimental journey, sentimental journey home, sentimental journey home. Let's go now. La bonne surprise de l'année 1970, Ringo Starr sort deux albums coup sur coup. Lui qui avait l'habitude de ne chanter qu'une ou deux chansons maxi, eh bien là, il en chantera deux albums. Le premier album, celui-ci, Sentimental Journey, qui est fait de vieilles chansons, mais qui vont très très bien à la voix de Ringo Starr. Le second, Bocoups of Blues, justement, enregistré en une quinzaine de jours à Nashville, et avec des musiciens du coin, et le style country va très très bien à monsieur Ringo Starr. Bon, nous avons bien démarré, hein, on a écouté les Beatles, Lennon, McCartney, Harrison Starr, et donc, lorsqu'on écoute tout ça, nous sommes obligés de vous donner un conseil, celui d'aller sur le site de Lovely Rita. Mais vous allez me dire, tous en cœur, qui est Lovely Rita? Je vous ai entendu le dire. Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, il vous suffit d'aller sur Beatles Magazine UK.com. C'est 7 jours sur 7,

De Sgt Pepper, Lonely Hearts Club Band, est encore largement le fruit de la collaboration entre John Lennon et Paul McCartney dans l'écriture de la plupart des chansons. Il y a celles entièrement coécrites, comme With a Little Help from My Friends tout à l'heure. C'est parti du départ de la phrase avec un peut-être de mes amis. Et toute la chanson est développée dans l'idée de la confier à Ringo Starr. Sur Lucy in the Sky. C'est parti d'un dessin de Julian, son fils. Attention, en 1967, Julian n'avait que 4 ans, donc n'allez pas me dire ce que j'ai pas envie de dire. Il a dessiné Lucy, sa copine de l'époque, qui était dans le ciel avec des diamants. LSD, j'y suis pour rien, John Lennon non plus, Julian Lennon non plus, c'était comme ça. Et c'est parti d'un dessin de Julian et de l'imagination de John, flirtant avec Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Quant à la chanson Getting Better, eh bien... Paul se rappelle toujours que John contrebalance le côté toujours optimiste de Paul, It's getting better all the time, c'est-à-dire ça va de mieux en mieux tout le temps, avec It couldn't get no worse, ça va donc, le premier dit ça va de mieux en mieux tout le temps, et le second dit ça pourrait pas aller pire. En partant de Paul qui se souvenait avoir entendu Jimmy Nichols, vous savez, le batteur qui avait remplacé le temps d'une tournée encore pas complète, Ringo Starr, qui était parti à l'hôpital, je crois, pour les amygdales, il me semble que c'était pour les amygdales. Et Jimmy Nichols, quand il était en répète avec les Beatles, n'arrêtait pas de dire « it's getting better » parce qu'il y arrivait de mieux en mieux à plaquer sa partie de batterie sur les morceaux des Beatles. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Tout à l'heure, on écoutera « She's Leaving Home » et « She's Leaving Home », ça vient simplement de la lecture des faits divers. Et John a ajouté un chœur grec en réponse à l'inquiétude des parents. On verra ça tout à l'heure. George Harrison sur RIG, The Light That Has Lighted the World. 90.7, la radio des Beatles.

L'anecdote la plus intéressante au sujet de cette chanson, Picasso's Last Words, Drink to Me, c'est que Paul McCartney avait rencontré Dustin Hoffman, qui était en train de tourner dans le coin le film Papillon avec Steve McQueen, vous savez, le prisonnier, il s'évade, etc. C'est un très très bon film qu'on vous conseille, hein, Papillon, ça n'a rien à voir avec la saga. Mais si quand même, puisque lors d'une soirée avec Paul McCartney, Dustin Hoffman dit « Tu sais composer une chanson si jamais on te donne un thème ?» Et McCartney lui dit un truc du genre « Bah oui, je sais pas, vas-y, essaye !» Il lui a dit « Tiens, les dernières paroles de Picasso, c'était « Buvez à ma santé parce que moi je peux plus !» Et ça a commencé comme ça. Et rapidement, rapidement, parce que McCartney est très fort là-dessus, est venue cette chanson « Drink to me, drink to my health, you know I can't drink anymore » du grand art, du grand McCartney. Est-ce que je vous ai dit déjà une fois que Paul McCartney était mon chouchou? Non? Eh ben si, c'est mon chouchou. Voici Ringo Starr. Oh my my, en 1973 aussi, sur un album qui s'appelle tout simplement Ringo. RUG 90.7, c'est la radio des Beatles, le mercredi de 20h à 22. Et aujourd'hui, on pousse jusqu'à 23h, bande de vénards. Je m'aperçois ce soir que cet album a 50 ans. 50 ans déjà, 1973 pour cet album qui s'appelle Ringo, tout simplement. Et nous sommes en 2023. Ringo est toujours là, Paul McCartney aussi, et tant mieux. We get the chords right this time. Something, baby face. I'm up in heaven when I'm in your firm embrace. I didn't need a shove. I just went and fell in love. Which pretty little baby. Talk about a little baby. Pretty, pretty little baby face. My baby face. Face. There's not another who can take your place, my baby, baby face. Well, my whole heart is jumping because you know you went and started something, baby face. Cette chanson, Frank Sinatra's Party, vous la retrouvez sur l'album Egypt Station Explorers Edition, s'il vous plaît, pas sur le premier sorti en 2018, mais celui sorti en 2019. Et auparavant, c'était Babyface, extrait de One Hand Clapping, 74 à peu près, que vous retrouvez maintenant sur l'album Venus and Mars, l'édition de luxe. Et l'album était sorti en 1975, mais jusqu'à récemment, Babyface, c'était un inédit que l'on ne trouvait pas facilement. Eh bien maintenant, on l'a facilement. Et tant mieux. Merci Paul. Continue à nous sortir des inédits comme ça, chaque année. Vas-y, sors, sors, n'hésite pas. Ah, RG 90.7, la radio des Beatles. Qui aurait dû être l'album de la renaissance de John Lennon, de retour en 1980 avec cet album Double Fantasy. Si m'avait posé la question, j'aurais dit appelle ça Fantasy, enlève les chansons de Yoko et je fais un album tout seul, tu verras, ça va super bien marcher. Bon, mais il n'a pas eu besoin de faire ça parce qu'il y a l'autre andouille qui a fait ce qu'il a fait. Bon, mais c'est une très belle chanson, I'm Losing You. La chanson suivante, nous allons revenir en 1974. Cette chanson s'appelle Simply Shady sur l'album Dark Horse de George Harrison. Et voici ce qu'il dit sur cette chanson. Il dit quasiment rien. Il dit Simply Shady, c'est à propos de ce qui arrive aux méchants garçons dans le business de la musique. Je suppose que j'ai eu cette idée ici, à la maison, et que je me suis échappé en Inde après ça. Je l'ai écrit à Bombay. Et c'était plutôt une chanson marrante à écrire à Bombay, spécialement parce que c'est une chanson qui parle de karma. La voici, la chanson. En plein cœur de la saga des Fab Four numéro 554 avec un album de la semaine, Sgt Pepper, Lonely Hearts Club Band. En voici un nouvel extrait, deux nouveaux extraits, puisque il y a Being for the Benefit of Mr. Kite associé avec Good Morning, Good Morning sur RIG, bien sûr.

Paul, dominer Sgt Pepper parce que John était devenu paresseux en tant que compositeur. Il ne sortait plus de chez lui s'il pouvait l'éviter et ne s'inspirait que de ce qui se trouvait dans sa proximité immédiate, comme la télévision, les journaux, les dessins d'enfants ou un poster affiché au mur. Deux exemples pour Paying for the Benefit of Mr. Kite, ça c'est le poster au mur, et Good Morning pour les ce qu'il entendait à la télévision. Bref, tout ce qui entrait dans sa maison. La conséquence de tout cela fut que Good Morning est une chanson sur le fait de ne rien avoir à dire. Un morceau bon à jeter à la poubelle, d'après ce qu'il en dit plus tard en 1980. Good Morning parle de mon indolence qui résultait de trop de drogue, d'un mariage sans passion et de journées articulées autour des repas et passées devant des programmes télévisés banals comme Meet the Wife. Ça, je ne connais pas personnellement. C'est en Angleterre et c'était en 1967. À cette époque, quand il était à la maison, il passait énormément de temps au lit avec un bloc-notes, se souvient Cynthia. Il fallait que quelque chose soit très important pour qu'il accepte de sortir de la maison. Quand il se prélassait chez lui, dans cet état d'esprit, des bruits ou des extraits de conversation servaient de détonateur à son inspiration. C'était une publicité pour les flocons d'avoine Kellogg's qui donna à John le titre et le refrain de Good Morning, Good Morning. Le film était accompagné par un jingle de quatre lignes, Good Morning, Good Morning, The Best of You Each Morning, Sunshine, Breakfast, Kellogg's, Cornflakes, Crisp and Full of Fun. Bonjour, bonjour, le meilleur pour vous tous les matins, un petit déjeuner ensoleillé, les cornflakes, Kellogg's croquants et amusants. Voilà ce que ça veut dire. Tout cela aurait paru bien fade si George Martin n'y avait ajouté l'accompagnement de Sounds Incorporated, un des meilleurs groupes de musiciens de studio de l'époque, et collé une série de bruits d'animaux à la fin du morceau. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cet excellent, ces deux chansons très bonnes malgré tout. Et puis il a fait Day in the Life, qu'on écoutera à la fin de l'émission, bien entendu. Sur Sgt Pepper, Lonely Hearts Club Band, qui est l'album de la semaine de cette saga, la 554e. Nous sommes un peu en retard, mais ça n'est pas grave, puisqu'on a le temps pour vous diffuser la cover. Et la cover, je voulais rendre hommage à quelqu'un qui a compté dans ma jeunesse, je l'aimais bien. C'est Marcel Amont, qui est parti là, cette semaine. Et il a fait une cover d'une des chansons des Beatles, ça s'appelle « Dans 45 ans » et non pas « Quand j'aurai 64 ans ». Voici un petit hommage à Marcel Amont. Quand viendra l'âge d'être pépé dans pas mal d'années, quand mes cheveux gris seront devenus tout blancs, m'aimeras-tu comme à présent? Et si je rentre aux heures indues, me bouderas-tu? Seras-tu la même, celle que j'aime, dans 45 ans? Et chaque midi, j'irai tranquillement voir mon petit apéro, pendant que tu feras du tricot. Toujours alerte, trotte menue, quoi souhaiter de plus? Seras-tu la même, celle que j'aime, dans 45 ans? Les ans nous louerons quelque chose au mois d'août à la mer, si c'est pas trop cher. Sous le ciel d'été, les photos que je revois sur notre album m'ont t'inspirer ce post-scriptum. Reviens-moi vite, je dépéris. Reviens-moi, chérie. Et si tu m'aimes, je serai le même dans 45 ans. Yeah! La saga des Fab Four numéro 554 sur RIG 90.7. Je suis votre hôte, Thierry Gallet, jusqu'à 23h exceptionnellement. Aujourd'hui, puisqu'on décortique l'album Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band, et en plus Eric n'est pas là, donc il m'a laissé l'autorisation d'empiéter un petit peu sur son horaire. Et puisqu'on parle de Sgt Pepper, je vous propose une chanson qui a été créée 20 ans après Sgt Pepper, qui officiellement n'est jamais sorti sur l'album Pizza and Fairy Tale et qui s'appelle Return to Pepperland en 1987. Paul McCartney. My cousin late for her. Her husband then just doesn't show till she's in bed. That's when he dons his latest listening device and hears the right nice music in his head. Return to Bethlehem. Come back to love and peace return today. Return to Bethlehem. It's not a mile away. The children Bill and Kate live near, a year apart. While as for Gran, she stays downstairs. All over this land. to see me the world. I left my sweet girl and gave it a whirl. But now here I stand alongside the road with holes in my soul, in my shoes, and buku's the blues. The freedom should bring. I see me today and know yesterday, or I threw away my most precious things. I see me a man who's lonely, wants only to lose. Buku's a blue. J'en ai parlé en début d'émission, deux albums en 1970, Ringo, dont celui-ci, Bokoops of Blues, l'album, le deuxième album, et Bokoops of Blues, la chanson. Avouez que vous êtes des vénards quand même d'avoir une émission toutes les semaines entre septembre et juin depuis 1984 et qui vous propose des titres que vous n'entendez nulle part ailleurs. C'est un petit peu de chance quand même. Oh, comment je l'ai amené. En 1978, j'adore cette chanson. McCartney avait voulu mettre en avant les synthétiseurs et ça marche. With a Little Luck sur RIG 90.7, c'est la radio des Beatles. Do it. Quelle voix, Paul McCartney, en 1978 sur l'album London Town. Nous allons revenir à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Sgt Pepper, Lonely Hearts Club Band, avec deux grands écarts. Le premier, musique hindoue, avec George Harrison, qui pour la première fois sur un... Parce que là, vraiment, la chanson est complètement indienne. Pour la première fois, fait une chanson pop sur Sgt Pepper, Lonely Hearts Club Band, qui s'appelle Within You, Without You. Et la deuxième, c'est un hommage à la musique des années 30, en se rappelant quand lui sera vieux. Et j'avais espéré que quand il allait atteindre les 64 ans, Paul McCartney nous fasse Now I'm 64 Tour. Mais McCartney a toujours 17 ans dans la tête, donc c'est un problème. Voici les deux chansons, tour à tour. Within You, Without You, When I'm 64, sur RG.

très belle chanson de George Harrison qui figure sur l'album Extra Texture Read All About It en 1975. You are my weakness. On écoutera les sessions de Sgt Pepper avec justement le 45 tours qui a été donné, alors en pâture, faut peut-être pas exagérer, mais pour faire patienter les auditeurs pendant la confection de cet album. Mais avant, nous allons écouter des Traveling Wilburys parce que j'avais envie de rendre hommage aussi à George Harrison et ce super extra groupe. Nobody's Child. Et il y aura Last Night, juste après, deux fois les Traveling. As I was slowly passing an orphan's home today, I stopped for just a little while to watch the children play. Alone the boy was standing, and when I asked him why, he turned with eyes that could not see, and he began to cry. I'm nobody's child. I'm nobody's child. Just like a flower, I'm growing wild. No mama's arms to hold. Me.

C'est vrai qu'il y avait des gratouilleurs, comme l'indique, qui est-ce? C'est Jean-Marcel qui l'indique sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. C'est vrai qu'il y avait quand même des gens doués dans ce groupe Traveling Wilburys. On reparle indirectement de l'album de la semaine, Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band. L'enregistrement se fera entre décembre 66 et avril 67, 129 jours. Le public n'ayant plus aucune nouvelle du groupe, les rumeurs de séparation commencent à se diffuser. L'album est un bond en avant quand il sort pour la musique pop. C'est le premier à avoir un Grammy Award. Il est devenu l'un des 500 meilleurs albums de tous les temps. Il a capté parfaitement l'air du temps. Les chansons deviennent plus longues. L'album devient une œuvre et non plus un rassemblement 45 tours. Ce disque est le pionnier des albums concept, bien que, embryonnaire encore, toutes les chansons ne sont pas liées entre elles. Et pour faire patienter, on programme Penny Lane et Strawberry Fields Forever en 45 tours en février 1967. Je vous propose d'écouter une première version de Penny Lane, la première prise, puis la version finale. Understanding all you see, it's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's all right. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know sometimes think it's me, but you know I know, and it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real. Animateur radio, un homme et les Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. Standing. works out. It doesn't matter much to me. Let me take you down. I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Me, but you know, I know, and it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real. Hung about strawberry fields forever. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. I'm very bored, et non pas I buried Paul, comme certains ont cru, lorsque un DJ de Détroit avait prétendu que McCartney était mort en 1966 et que depuis, les Beatles mettaient des petits signes dans les chansons pour faire bien comprendre que c'était un sosie qui avait pris sa place. Ben, dites pas le sosie, il a un sacré talent parce qu'il est encore là. Et tant mieux. Il reste là aussi longtemps qu'il peut. Deux choses je voulais vous dire au sujet de cette chanson Strawberry Fields. D'abord, l'entrée au Bellotron, c'est McCartney qui l'a trouvé. Et ensuite, j'ai lu ça récemment, le premier batteur de Elvis Presley, DJ Fontana, qui était quand même quelque chose, un gars plutôt doué, puisque à l'époque, dans les années 50, on rigolait pas, on enregistrait tout ensemble, et puis si on ratait, on recommençait tout. Il a dit de Ringo Starr que c'était un batteur extraordinaire parce qu'il était un chronomètre tel qu'il n'en avait jamais entendu. Il suivait sa ligne, et il n'en débordait pas, il n'avait jamais une seconde de retard ou d'avance, il était fabuleux. Et il est encore, monsieur Ringo Starr, il a compté parmi les Beatles, je vous le dis.

J'étais tellement dans ma musique que j'ai oublié de vous dire que Eric n'est pas là. On n'est pas vraiment en retard. Il nous a cédé une heure de ses deux heures et c'est très très gentil. On lui envoie le bonjour à Eric. Je pense qu'il va très très bien et que probablement il écoute la saga des Fab Four. Ça m'étonnerait qu'il n'écoute pas. Bref, nous en sommes où? Oh, il nous reste encore une quarantaine de minutes. On va probablement finir un petit peu en retard. Alors, on va continuer. Il y a eu deux morceaux de 82 et 83 par Paul McCartney. D'abord, Dress Me Up as a Robber sur Tug of War. Je le passe rarement. Je me suis dit, tiens, c'est l'occasion. Et vous avez remarqué quelle voix, même dans les aigus, ça marche très bien. Et la deuxième de 1983, The Man avec Michael Jackson. Je trouve que cette chanson aurait pu faire un bon 45 tours. C'était très bien aussi, celle-là. Voilà. Allez, je vous propose une chanson qui n'existe pas. C'est extrait de Scouse the Mouse, un album qui aurait dû sortir en 1977 par Ringo Starr. Chut, c'est cadeau. C'est la radio des Beatles. dire que cette chanson avait été rejetée de l'album All Things Must Pass en 1970 et heureusement, elle a été réintégrée depuis. On va essayer de se dépêcher, on revient à l'album de la semaine, Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band et deux nouveaux extraits. D'abord Lovely Rita, avec un clin d'œil à notre Lovely Rita à nous qui est en Angleterre. Et il y aura enfin la face B, Peddy Lane. Enfin, c'est une double face A, il me semble, Strawberry Fields et Peddy Lane. Donc la face A, si vous voulez, Peddy Lane à la suite. Rita! Zéro défaut entre Pédéline et Strawberry Fields Forever. Quel super 45 tours. Je me souviens de la réflexion de ma grande sœur, 12 ans de plus que moi, qui a connu les années 60, elle avait la vingtaine, pratiquement. Elle va m'en vouloir quand je vais, elle va entendre ça. Parce qu'elle n'avait pas la vingtaine, elle allait sur la vingtaine. Et elle me disait, à chaque fois que les Beatles sortaient un 45 tours, on se disait, oh, c'est encore mieux que le précédent. Et deux mois après, ils sortaient encore autre chose, et c'était encore mieux que le précédent. Voilà comment c'était les années 60 avec les Beatles et d'autres, mais notamment les Beatles. Tout à l'heure, dans le groupe La Saga des Fab Four sur Facebook, on avait parlé du talent de caméléon de Paul McCartney. En voici un très bel exemple sur deux 45 tours. Le premier, c'est We All Stand Together, sorti, il me semble, en 1984. Je regarde rapidement. Oui, et le deuxième, c'est Flying to My Home. C'est une chanson des sessions de Flowers in the Dirt en 1989. Side by side, band in hand, we all caméléon 5 ans plus tard. Sur Facebook précise que cette chanson-là, Flying to My Home, était la face B de My Brave Face en 1989. Et oui, à l'époque, il ne fallait pas rater les 45 tours parce que les faces B de Paul McCartney n'étaient pas dans le 33 tours. Et oui, après sur les CD, c'est autre chose puisque maintenant vous le retrouvez dans la ressortie en 2017 de l'album Flowers in the Dirt. Cet album-là, elle est dessus, cette chanson-là. C'est ce que je voulais dire, mais c'est bon, c'est de la très très bonne qualité. Et donc il fallait toujours acheter des 45 tours, même quand quelquefois c'était des dub mix, et là c'était un petit peu plus contrariant, pas très très intéressant. Mais bon, on continue, sinon on va être en retard. Slow Down sur l'album Ringo 2012, de 2012, bien joué.

Rock is good. Good, good, good, good, good. Don't you think? On connaît la production de Jeff Lynne quand même, hein, dans cette chanson-là, Maybe Baby, en l'an 2000, pour le film Maybe Baby également, avec Paul McCartney. Mais Jeff Lynne a également travaillé avec George Harrison, lorsque vous avez entendu la chanson-là, non pas Coca Mimi Business, mais celle de juste avant, pour Little Girl, cet extrait des sessions de l'album Cloud Nine, c'est sûr, et on reconnaît encore le style de Jeff Lynne. Et Jeff Lynne avait travaillé aussi en 92, sur l'album Time Takes Time de Ringo Starr, et puis de toute façon, sur les anthologies, il a bien travaillé avec les trois. Donc le seul qui l'ait raté, c'est John Lennon. Pas mal quand même pour quelqu'un qui est fan des Beatles, monsieur Jeff Lynne. Un génie qu'on reconnaîtra peut-être à sa mort, parce que vraiment, c'est un gars génial. Comme lui, Paul McCartney. I sat around all day, I used to get stoned. To get wasted, but these days I don't, 'cause I'm happy with you. I got lots of good things to do. Oh yeah. Around angry, I used to feel bad, but nowadays my day don't have to be sad, 'cause I'm happy with you. I got lots of good things to do. Clear robin sing, walk a bluebell carpet, watch the children playing games, catch a moon and drop it, hear the gentle mantra roll on a frosty morning, see the mighty ocean break like a sailor's warning. Things to do. Oh yeah.

dire qu'à l'origine c'est une jam. J'aurais aimé voir comment on peut arriver rapidement en arriver là. I have answered your invitation. I'll be leaving in the morning. Watch me go. I don't know where the wind is blowing. Got directions to where I'm going. Nothing's certain. That's the only thing I know. Cet extrait de l'excellent album Egypt Station, sorti en 2018. Je vous propose de terminer cette longue saga des Fab Four avec deux morceaux de maître. D'abord, Sgt Pepper, Lonely Hearts Club Band. C'était justement une nouvelle idée de Paul McCartney. On fait comme si on prend l'album comme un tout. L'album n'est plus une collection de 45 tours, comme ça a pu l'être auparavant avec d'autres groupes. Là, il y a eu une entrée, Sgt Pepper, et on est content de faire le show. Et à la fin du disque, c'était Sgt Pepper, on était content d'être là. Allez, on vous dit au revoir, à bientôt. Et ben ça, c'était nouveau à l'époque, en 1967.